Chapitre 21. Tout à fait comme dans le cimetière avec Miles, nous nous trouvions maintenant au pied du mur. Bien que je m'attendisse à l'effet que ne pouvaient manquer de produire les syllabes de ce nom qui n'avait jamais été prononcé entre nous, la subite expression de rage blessée que revêtit alors le visage de l'enfant fit, pour ainsi dire, ressembler ma brusque interruption du silence à un fracas de vitres brisées. Cela vint s'ajouter au cri que Mrs. Groves, atterrée par ma violence, jeta comme pour s'interposer entre nous et atténuer le coup que je frappais. C'était celui d'une créature bouleversée, blessée plutôt, et quelques secondes plus tard, à mon tour, je faisais entendre un gémissement sourd. Je saisis ma collègue par le bras. « Elle est là ! Elle est là !» Miss Jessel se tenait debout sur le bord opposé, exactement comme l'autre fois. Chose bizarre. Je me rappelle que le premier sentiment que sa vue éveilla en moi fut un frémissement de joie d'avoir enfin obtenu une preuve indéniable. Elle était là. Mes accusations étaient donc justifiées. Elle était là. Je n'étais donc ni cruelle ni folle. Elle était là. La preuve, Mrs. Groves, éperdue d'angoisse, serait convaincue. Et avant tout, je voyais Flora confondue. Aucun moment de cette période monstrueuse de ma vie ne fut peut-être si extraordinaire que celui où je lui adressai positivement, avec la conviction que tout pâle et insatiable démon qu'elle fût, elle le recevrait et le comprendrait, un message inarticulé de gratitude. Elle se dressait toute droite sur le lieu même que mon ami et moi venions de quitter, et sur tout le long parcours de son désir, pas un atome de sa malignité ne manquait son but. Cette première acuité de vision et d'émotion ne dura que quelques secondes, pendant lesquelles je fus frappé par l'expression des yeux clignotants et stupéfaits de Mrs. Groves. Voyait-elle enfin, elle aussi, le prodige que je lui désignais obstinément du doigt? Je reportai précipitamment mes regards sur l'enfant. La révélation de la manière dont Flora subissait cette épreuve me saisit, à vrai dire, infiniment plus que si je l'eusse trouvée, elle aussi, tout simplement en proie à une certaine agitation. Je n'allais pas, bien entendu, jusqu'à m'attendre de sa part à un trouble révélateur. Notre poursuite l'avait préparée et mise sur ses gardes. Elle saurait réprimer toute émotion capable de la trahir. Mais je me sentis fort ému aux premiers symptômes d'une attitude à laquelle je ne m'attendais pas. De la voir, sans qu'un muscle remuât dans ce petit visage rose, non pas même feindre de regarder dans la direction du prodige que j'annonçais, mais au lieu de cela, se tourner vers moi avec une expression de gravité calme et sévère, une expression absolument nouvelle et sans précédent, qui semblait lire à travers moi, m'accuser et me juger. C'était là un trait qui, en quelque sorte, transformait la petite fille elle-même en une image de menace et de péril. Son calme m'ébahissait, bien que plus que jamais à ce moment-là, je fus certaine qu'elle voyait tout, qu'elle savait tout. Alors poussée par la nécessité immédiate de me défendre, j'en appelai passionnément à son témoignage. « Elle est là, petite malheureuse, là, là, là, et vous le savez aussi bien que moi !» J'avais, peu de temps auparavant, dit à Mrs. Groves qu'à ces moments-là, elle n'était plus une enfant, mais une vieille, vieille femme, et rien ne pouvait confirmer cette déclaration d'une manière plus évidente que la façon avec laquelle, pour toute réponse, elle prenait, sans condescendre à la moindre émotion, une attitude de réprobation de plus en plus manquée qui, tout à coup, se figea totalement. J'étais alors, il m'est possible de rassembler les traits épars de cette scène, plus épouvantée par ce que je puis probablement appeler son jeu que par tout le reste, bien que, simultanément, je m'aperçusse que j'avais maintenant Mrs. Groves formidablement contre moi. En tout cas, le moment d'après, tout s'effaçait, pour ne me laisser sensible qu'au visage enflammé et à la bruyante protestation scandalisée de ma vieille compagne où éclatait sa violente désapprobation. « Est-il possible d'avoir une si horrible disposition, mademoiselle? Mais où voyez-vous la moindre chose ?» Je ne pus que la saisir brusquement, car pendant qu'elle me parlait, la hideuse, la vile présence était là, claire comme le jour et indomptable. Cela avait déjà duré une minute, et cela dura tandis que je continuais, tenant ferme ma collègue, la poussant vers elle, la lui présentant et la lui désignant du doigt. « Vous ne la voyez pas, comme nous nous la voyons? Vous dites que non? Encore non? Maintenant? Mais c'est aussi éclatant qu'un feu ardent. Mais regardez donc! Oh, cher, cher ami, regardez seulement !» Elle regardait, comme je regardais moi-même, et avec son profond gémissement qui exprimait la négation, la répulsion, la compassion, avec le mélange de sa pitié pour moi et d'un grand soulagement de son heureux aveuglement, elle me donnait l'impression dont je fus, même alors, profondément touchée, qu'elle m'aurait soutenue si elle l'avait pu. J'aurais eu un grand besoin de ce secours, car au coup fatal que me portait cette preuve que ses yeux étaient scellés sans aucun espoir, se joignait l'impression de l'écroulement de ma propre situation. Je sentais, je voyais la livide Miss Jessel. De sa position inexpugnable précipitait ma défaite, et plus que tout, la stupéfiante petite attitude de Flora me fit instantanément mesurer ce qui m'attendait désormais. Et voici que Mrs. Groves, violemment et complètement, adoptait cette même attitude, se répandant en un torrent de paroles rassurantes et étouffées, cependant qu'au fond de moi-même, à travers le sentiment de ma ruine, perçait celui de mon prodigieux triomphe personnel. « Elle n'est pas là, chère petite demoiselle, personne n'est là, et vous ne voyez rien, pauvre chérie. Comment la pauvre Miss Jessel pourrait-elle, puisqu'elle est morte et enterrée, la pauvre Miss Jessel? Nous le savons bien, nous, n'est-ce pas, mon amour ?» Et balbutiante, elle suppliait l'enfant. « Tout ça, c'est une erreur, c'est une blague, des histoires, et nous allons rentrer le plus vite que nous pourrons. » Notre jeune compagne acquiesça à ceci avec son étrange sécheresse toute confite de convenance et de nouveau, Mrs. Groves s'étant relevée, je les voyais debout, unis, à ce qu'il semblait contre moi, dans une scandaleuse opposition. Flora continuait à me fixer avec son petit masque froid, dont toute affection avait disparu. Je l'ai déjà dit, littéralement, hideusement figée, elle était devenue commune, presque laide. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne vois personne. Je ne vois rien. Je n'ai jamais rien vu. Je vous trouve méchante. Je ne vous aime plus. » Et après cette sortie qui aurait pu être le feu d'une impertinente et vulgaire petite fille des rues, elle étreignit Mrs. Groves plus fort et enfouit dans ses jupes son horrible petit visage. De cet asile, elle éclata en une lamentation presque furieuse. « Emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi loin d'elle !» « Loin de moi ? » demandai-je à l'étante. « Loin de vous, loin de vous » cria-t-elle. Mrs. Groves elle-même parut déconcertée. Pour moi, il ne me restait plus qu'à renouveler mes communications avec la figure qui, du bord opposé, sans un mouvement, rigidement, attentive comme si nos voix lui parvenaient à travers l'intervalle qui nous séparait, assistait à toute cette scène, présente aussi formidable pour présider à ma défaite qu'elle l'avait été pour mon service. La misérable enfant avait parlé exactement comme si elle puisait à une source étrangère chacun de ses petits mots acérés. Aussi, désespérée de tout ce qu'il me fallait subir sans pouvoir répliquer, je me bornai à secouer tristement la tête. Si j'avais jamais douté, mon doute disparaîtrait aujourd'hui. J'ai vécu longtemps avec l'amère vérité, et maintenant elle me presse de toutes parts. Oui, je vous perds, j'ai voulu agir, et vous avez su, sous sa direction, de nouveau j'affrontais au-delà de l'étang l'infernal témoin, employer le moyen facile et parfait de m'en empêcher. J'ai fait de mon mieux, mais je vous perds. Adieu. » À Mrs. Groves, j'adressai impérativement, et presque hors de moi-même, un « partez, partez !» auquel elle se soumit avec un air de profonde détresse. Mais prenant possession de la petite fille, silencieusement et nettement convaincue, en dépit de sa cécité, que quelque chose d'affreux venait de se passer et que quelque cataclysme nous engloutissait, elle se retira avec toute la rapidité possible par le même chemin que nous avions pris pour venir. De ce qui se passa, immédiatement après que je fus seule, je n'ai pas gardé le souvenir. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, peut-être, une sensation d'humidité odorante et de rudesse qui pénétrait ma douleur d'un frisson glacé me fit comprendre que j'avais dû me jeter la face contre terre en m'abandonnant à l'égarement de mon chagrin. J'avais dû rester longtemps prostrée, pleurante et gémissant, car lorsque je relevai la tête, le jour avait presque disparu. Je me mis debout, je regardai dans le crépuscule l'étang grisâtre et ses sombres bords hantés, puis je repris ma triste et pénible course vers la maison. Lorsque j'eus atteint la petite porte pratiquée dans la barrière, je découvris, à mon vif étonnement, que le bateau n'était plus là, ce qui m'incitait à de nouvelles réflexions sur l'extraordinaire présence d'esprit de Flora. Elle passa la nuit par une tacite Et si l'épithète n'était pas si grotesquement hors de saison par une heureuse entente avec Mrs. Groves. Je ne vis ni l'une ni l'autre à mon retour, mais d'un autre côté, par une compensation assez ambiguë, je vis Miles abondamment. Sa compagnie me fut octroyée en une telle quantité, je ne pus user d'un autre terme, que je puis presque dire qu'elle prit dans nos rapports une importance jamais encore atteinte. Aucune de mes soirées à Bligh ne devait revêtir l'inquiétante couleur de celle-là. Mais malgré cela, et aussi malgré le profond abîme de consternation qui venait de s'ouvrir sous mes pieds, il y eut dans le reflux, le déclin de ce soir-là, une triste et incroyable douceur. En arrivant à la maison, je ne m'étais même pas inquiété du petit, j'étais allé tout droit à ma chambre, je ne fis que changer de vêtements, mais d'un coup d'œil, je saisis néanmoins maint témoignage matériel de ma rupture avec Flora. Toutes ces petites affaires avaient été enlevées. Un peu plus tard, mon thé me fut apporté par la servante dans la salle d'études auprès du feu. Je ne fis aucune enquête au sujet de mon autre élève, qu'il usa de sa liberté maintenant. Il l'avait conquise. Eh bien, il l'avait conquise en effet, et elle le lui servit, du moins partiellement, à se présenter vers 8 heures et venir s'asseoir silencieusement auprès de moi. Après que le thé eût été enlevé, j'avais soufflé les bougies et tiré mon fauteuil plus près de la cheminée. J'étais pénétré d'un froid mortel, et il me semblait que je ne me réchaufferais jamais. Il s'arrêta un moment à la porte comme pour me regarder. J'étais assise auprès du feu, livrée à mes pensées. Comme s'il voulait les partager, il vint à l'autre angle de la cheminée et se posa sur une chaise. Nous demeurâmes là, assis, dans une immobilité absolue. Néanmoins, je sentais qu'il désirait être auprès de moi. Chapitre 22. Avant qu'un jour nouveau eût lui pour de bon dans ma chambre, mes yeux s'ouvrirent sur Mrs. Groves, qui m'apportait au lit les pires nouvelles. Flora était dans un état de fébrilité qui pouvait présager une maladie. Elle avait passé une nuit sans repos, agitée surtout par la crainte, non de son ancienne, mais de son actuelle institutrice. Ce n'était pas contre le recours possible de Miss Gessel sur la scène qu'elle protestait. Clairement et passionnément, c'était contre le mien. D'un bond, je fus sur pied, et les questions se pressaient sur mes lèvres. Elles s'y pressaient d'autant plus que mon ami, à ce qu'il était aisé de voir, avait s'inséré en prévision de notre rencontre. Je sentis cela aussitôt que je l'interrogeais au sujet de la sincérité de l'enfant en opposition avec la mienne. Évidemment, le trouble de ma visiteuse était grand. « Ah, mademoiselle, c'est un sujet sur lequel je ne puis guère la pousser, et cependant, je dois le dire, je n'aurai pas beaucoup à faire. Cette histoire l'a vraiment vieillie, de la tête aux pieds. Oh, je la vois d'ici, elle est offensée comme le serait une petite personne de haut parage, du soupçon porté sur sa sincérité et, en somme, son honorabilité. Quoi, Miss Gessel, et avec moi? Ah, ce qu'elle peut jouer de son honorabilité, ce petit bout de femme! L'impression qu'elle m'a donnée là-bas, hier, a été, je vous assure, ce que j'ai éprouvé de plus bizarre au monde. Cela dépasse tout. Elle ne m'adressera plus jamais la parole. » Tant de choses hideuses et obscures tinrent Mrs. Groves silencieuse un court instant. Puis elle abonda dans mon sens avec une franchise qui me fit pressentir qu'elle ne s'en tiendrait pas là. « Je ne le crois pas, en effet, mademoiselle. Elle le prend de si haut là-dessus. Et ses manières hautaines, conclusai-je, sont actuellement ce qui la tracasse. Oh, ses manières hautaines !» Je lisais sur le brave visage de ma visiteuse qu'il y avait aussi pas mal d'autres choses de plus, et non des moindres. « Elle me demande toutes les 3 minutes si vous allez venir. »« Je vois, je vois. » De mon côté, j'avais facilement deviné, et au-delà, ce qu'il en était. « Depuis hier, et sauf pour répudier tout rapport avec une vilainie pareille, vous a-t-elle dit un seul mot sur Miss Gessel ?»« Non, mademoiselle, et naturellement, vous savez, » ajouta mon ami, « j'ai cru qu'elle m'avait dit, près du lac, qu'à cet endroit et à ce moment du point, il n'y avait personne. »« Comment donc ? Et bien entendu, vous vous en tenez toujours à ce qu'elle vous dit. » »« Je ne la contredis pas. Que puis-je faire d'autre ?»« Rien au monde. Vous êtes en présence de la petite personne la plus maligne qui soit. Ils les ont amenés, je parle de leurs 2 amis, à un degré supérieur à celui où la nature les avait placés. Et c'est un terrain merveilleux. Flora tient maintenant sa plainte et elle s'en servira pour atteindre son but. » « Oui, mademoiselle, mais quel but ?»« Quel but? Celui de parler de moi à son oncle, évidemment. Elle me représentera comme la plus vile des créatures. » Je défaillis, rien qu'à voir, pour ainsi dire, la scène se peindre sur le visage de Mrs. Groves. Pendant un instant, elle parut les avoir réellement là, sous les yeux. « Lui qui pense tant de bien de vous ?»« Il a une singulière façon, j'y pense tout à coup, et je me mis à rire, de le prouver. Mais cela n'est rien. Ce que veut Flora, bien entendu, c'est d'être débarrassée de moi. » Ma compagne me fit bravement concurrence. « Ne jamais plus poser les yeux seulement sur vous. » « C'est donc pour cela que vous êtes venu me trouver, lui demandai-je, pour hâter mon départ. » Avant qu'elle ait eu le temps de me répondre, toutefois, je lui damai le pion. « J'ai une idée meilleure, résultat de mes réflexions. Mon départ semble tout indiqué, et dimanche j'étais terriblement près de l'exécuter. Pourtant, ce n'est pas à faire, c'est vous qui partirez. Il faut que vous emmeniez Flora d'ici. » À ces mots, ma visiteuse fut abasourdie. « Et en quel lieu du monde ?» « Loin d'ici, loin d'eux, loin surtout maintenant de moi, droit chez son oncle. »« Seulement pour aller raconter sur votre compte ? Non, pas seulement, mais de plus pour me laisser avec mon remède. » Elle demeurait dans le vague. « Qu'est-ce donc que votre remède ? Votre loyauté, pour commencer, et puis celle de Miles. » Elle me regarda fixement. « Croyez-vous que, qu'il ne se retournera pas contre moi s'il en a l'occasion ?» « Oui, j'en conserve encore l'espoir. En tout cas, j'ai envie d'essayer. Allez-vous-en avec sa sœur aussitôt que vous le pourrez, et laissez-moi seule avec lui. » J'étais moi-même étonnée des réserves d'énergie que je possédais encore, et à cause de cela, peut-être, d'autant plus déconcertée de l'hésitation qu'elle laissa voir en dépit de mon brillant exemple. « Bien entendu, il y a une condition indispensable, continuai-je. Ils ne doivent pas se voir, fût-ce 3 secondes, avant qu'elle parte. » Il me vint alors à l'esprit que, malgré l'isolement probable de Flora depuis son retour de l'étang, peut-être était-il déjà trop tard. « Voulez-vous dire, demandai-je anxieusement, qu'ils se sont déjà vus ?» Elle devint toute rouge. « Ah, mademoiselle, je ne suis pas tout de même si bête que ça. Quand j'étais obligée de la quitter, cela est arrivé 3 ou 4 fois, j'ai toujours laissé une bonne auprès d'elle, et actuellement, bien qu'elle soit seule, la porte est fermée à clé, mais... » Elle en avait trop à dire. Mais quoi ? Eh bien, êtes-vous absolument sûr du petit monsieur ? Je ne suis sûr de rien que de vous, mais depuis hier soir, un nouvel espoir m'est venu. Je crois qu'il cherche une occasion. Je crois vraiment qu'il a envie, pauvre petit misérable, de parler. Hier soir, près du feu et dans le silence, il est resté 2 heures avec moi, comme si cela allait venir. À travers la fenêtre, Mrs. Grove fixa les lueurs grises du jour naissant. Et est-ce venu ? Non. Bien que je l'attendisse sans me lasser, je dois avouer que cela ne vint pas, et nous nous embrassâmes à la fin, en nous souhaitant le bonsoir sans avoir rompu le silence, ni avoir fait la moindre allusion à l'état de sa sœur et à son absence. Tout de même, continuai-je, si son oncle la voit, elle, je ne puis admettre qu'il voie son frère avant que le petit, surtout puisque les choses se sont engâtées, n'ait eu un peu plus de temps pour se reprendre. Mon ami opposait à cette idée une répugnance incompréhensible pour moi. « Qu'entendez-vous par plus de temps ? Eh bien, un jour ou deux, le temps de l'amener à se confesser, car alors il sera de mon côté, et vous voyez l'importance que cela aurait. Si je n'en obtiens rien, j'aurais échoué tout simplement, et au pire, vous m'aurez néanmoins aidé en faisant à votre arrivée en ville tout ce que vous pourrez en ma faveur. » Je lui présentai les choses ainsi, mais elle demeurait perdue dans ses réflexions adverses, au point qu'il me fallut de nouveau l'aider à s'en sortir. « À moins, conclusai-je, que vous ne préfériez réellement ne pas partir. » Je vis son visage s'éclairer enfin. Elle me tendit la main comme pour sceller un engagement. « Je partirai ce matin même, mais je voulais montrer une impartialité absolue. Si vous désirez rester un peu, je puis m'engager à ne pas la voir. Non, non, cet endroit lui-même qu'il lui faut. Non, non, c'est cet endroit lui-même qu'il lui faut quitter. » Elle me considéra un moment, d'un regard lourd d'inquiétude, puis lâcha le paquet. « Votre idée est la bonne, mademoiselle, car moi-même, eh bien, je ne puis rester ici. » Le regard dont elle accompagna ces paroles m'entraîna à des conclusions précipitées. « Vous voulez dire que depuis hier, vous avez vu ?» Elle secoua dignement la tête. « J'ai entendu. » « Entendu. » De la bouche de cet enfant, des horreurs. Là, elle exhala un soupir tragique. « Sur mon honneur, mademoiselle, elle dit des choses. » Mais après cette évocation, elle tourna court. Avec une soudaine exclamation, elle tomba sur mon canapé, et ainsi que je lui avais déjà vu faire, s'abandonna, vaincue par l'angoisse. Ce fut dans un tout autre sens que je me laissai aller, moi aussi. Que Dieu soit béni! Elle se redressa vivement, gémissante en essuyant ses yeux. Que Dieu soit béni! C'est ma justification! C'est vrai, mademoiselle! Je ne pouvais désirer un accent plus solennel, et cependant, j'attendais encore quelque chose. Elle est si horrible que cela? Je voyais bien que ma collègue n'arrivait pas à formuler sa pensée. Tout à fait inconvenante! Et en parlant de moi? En parlant de vous, mademoiselle, je vous le dis puisque vous m'interrogez, cela dépasse tout ce que l'on peut rêver venant d'une demoiselle, et je me demande où elle a bien pu prendre. Ce langage effroyable qu'elle emploie à mon sujet, je peux vous le dire, moi, et l'éclat de rire que je poussai était suffisamment significatif, mais à la vérité, il ne servit qu'à rendre mon ami encore plus grave encore. Eh bien, peut-être le pourrais-je aussi, puisque je l'ai entendu autrefois. Cependant, je ne peux pas le supporter, continua la pauvre femme, tandis qu'elle jetait un regard sur ma montre, posée sur ma table à coiffer. Mais il faut que je m'en aille. Je la retins. Si vous ne pouvez le supporter, vous vous demandez comment je pourrais rester auprès d'elle? Eh bien, justement, pour cette raison, il faut l'emmener, loin d'ici, poursuivit-elle, loin d'eux. Elle pourrait être tout autre, se libérer? Je la pressai, presque joyeusement. En dépit de la journée d'hier, vous croyez à ces choses-là? Ce terme simple, éclairé par l'expression de son visage, ne demandait pas d'autre développement, et elle se rendit tout entière, comme jamais encore elle n'avait fait. J'y crois. Oui, j'étais joyeuse. De nouveau, nous nous sentions coude à coude. S'il m'était donné de poursuivre mon œuvre, assurée de sa confiance, peu m'importait ce qui pouvait arriver. Elle serait mon soutien devant le désastre, comme elle l'avait été en ces premières heures d'isolement où j'avais soif d'une confidente. Puisqu'elle répondait de ma loyauté, je répondais moi de tout le reste. Néanmoins, sur le point de prendre congé d'elle, je me sentis quelque peu embarrassée. Il y a une chose, cela me revient, qu'il ne me faut pas oublier. Ma lettre, cette lettre où je donne l'alarme, vous aura devancée. Alors je sentis plus que jamais combien elle avait, jusque-là, battu les buissons et l'extrême lassitude qu'elle en éprouvait. « Votre lettre ne vous aura pas devancée. Elle n'est pas partie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, alors ? Dieu sait, Mr. Miles ! Vous voulez dire qu'il l'a prise ? Le tais-je ? » Elle hésita d'abord, puis domina sa répugnance. « Je veux dire qu'hier, en rentrant avec Miss Flora, j'ai vu que votre lettre n'était plus là où vous l'aviez mise. Dans la soirée, ayant eu l'occasion d'interroger Luc, il me déclara qu'il ne l'avait ni aperçu ni touché. » Nous ne pûmes qu'échanger un regard qui en disait long, et ce fut Mrs. Gross qui, la première, tira la conclusion du discours avec une interjection presque satisfaite. « Vous voyez ?»« Oui, je vois que si Miles l'a prise, il l'aura probablement lue et détruite. »« Vous ne voyez rien d'autre ?» Je la regardai en souriant tristement. « Il me semble que maintenant vos yeux sont aussi clairvoyants, sinon plus que les miens. » Il l'était en effet, mais elle rougissait presque de l'avouer. Je devine maintenant ce qu'il a dû faire au collège. Et elle hocha la tête d'un mouvement presque comique dans sa désillusion, toute sa simplicité perspicace s'y révélée. Il a volé. Ceci me donna à réfléchir. Je voulus déployer mon impartialité. Eh bien, peut-être. Mon calme l'étonnait, évidemment. Il a volé des lettres. Elle ne pouvait connaître les raisons de ce calme, d'ailleurs assez artificiel. Je lui en fis donc une présentation aussi favorable que possible. J'espère alors que c'était pour un résultat plus intéressant qu'aujourd'hui. En tout cas, poursuivis-je, le billet que j'avais déposé hier sur la table ne lui aura procuré qu'un si faible avantage, il ne contenait qu'une simple demande de rendez-vous, qu'il est déjà confus d'avoir tant risqué pour gagner si peu. Et ce qui pesait sur son esprit hier était précisément le besoin de s'en confesser. Un instant, il me sembla avoir dominé la situation et l'embrasser tout entière. « Laissez-nous, laissez-nous !» lui dis-je à la porte, la poussant dehors. « J'en tirerai ce que je veux. Il me cédera, il avouera. S'il avoue, il est sauvé. Et s'il est sauvé, vous l'êtes aussi. » Là-dessus, la chère femme m'embrassa et prit congé. « Je vous sauverai sans qu'il s'en mêle !» me cria-t-elle en s'en allant. Chapitre 23. Ce fut après son départ, elle me manqua tout de suite, que la grande épreuve m'assaillit. Quoique j'eusse espéré tirer de mon tête-à-tête avec Miles, je reconnus bien vite que j'en tirerais au moins un point de comparaison. De fait, aucune heure de mon séjour ne fut si chargée d'appréhension que celle où, étant descendue, j'appris que la voiture qui emmenait Mrs. Groves et ma plus jeune élève avait déjà passé la grille. Maintenant, me dis-je à moi-même, maintenant me voici face à face avec les éléments, et pendant une grande partie de ce jour, tout en luttant contre ma faiblesse, je m'avouais à moi-même que je m'étais montré bien téméraire. Le champ clos se rétrécissait autour de moi, et la situation me semblait d'autant plus menaçante que pour la première fois, je voyais sur d'autres visages une réflexion confuse de la crise. Ce qui s'était passé répandait naturellement un vif étonnement. Dans la soudaineté de la décision de ma compagne, nous n'avions pu expliquer que trop peu de choses, quelques peines que nous eussions prises. Hommes et femmes de service semblaient stupéfaits, et ma nervosité s'en aggrava d'autant jusqu'au moment où je compris la nécessité de tirer de là, au contraire, un secours positif. En un mot, je n'évitais le naufrage total qu'en me cramponnant au gouvernail. Et je devins ce matin-là très hautaine et très sèche, simplement pour pouvoir supporter l'épreuve. J'entretins avec joie le sentiment de mes multiples responsabilités et je laissai entendre que, livré à moi-même, j'allais montrer une fermeté remarquable. Pendant une heure ou deux, je maintins cette attitude, allant et venant à travers la maison. Je devais avoir l'air d'une personne préparée à tous les assauts. Et ainsi, au bénéfice de tous ceux que cela pouvait concerner, je paradai le cœur plein d'inquiétude. La personne que cela semblait le moins concerner, ce fut jusqu'à l'heure du dîner le petit Miles lui-même. Mes allées et venues ne nous avaient pas mises en présence, mais elles avaient contribué à rendre plus manifeste le changement survenu dans nos relations, conséquence naturelle de la façon dont, le jour précédent, en me retenant auprès du piano, il m'avait, en faveur de Flora, joué et ensorcelé. L'éclat de la publicité avait, naturellement, accompagné la claustration de la petite fille et son départ, et le changement de nos relations se révélait par l'abandon du règlement de la salle d'études. Miles avait déjà disparu lorsque, me rendant au rez-de-chaussée, j'avais ouvert sa porte et j'appris en bas qu'il avait déjeuné en présence de deux servantes avec Mrs. Groves et sa sœur. Puis il était sorti pour faire un tour, avait-il dit. Et rien ne pouvait exprimer plus clairement, à ce qu'il me semblait, l'opinion bien franche qu'il professait sur la brusque transformation de mon rôle. Ce qui lui permettait d'être ce rôle, désormais, restait à régler. Il y avait au moins un soulagement bizarre, je parle pour moi, à renoncer à une prétention. Bien des choses avaient, du tréfonds, surgi à la surface, mais ce n'est peut-être pas trop fort de dire que celle qui avait surgi jusqu'à dominer toutes les autres était l'absurdité de prolonger la fiction que j'avais quelque chose à lui enseigner. L'évidence n'était pas niable. Par certaines petites manœuvres tacites, où il se montrait plus soucieux en cœur que moi-même de ma propre dignité, il m'avait fallu en appeler à lui pour me dispenser de chercher à atteindre sa véritable personnalité. En tout cas, il la possédait maintenant, sa liberté. Jamais plus je n'y porterais atteinte. Je l'avais largement prouvé le soir précédent, quand il m'avait rejointe dans la salle d'études et que je n'avais fait aucune allusion, posé aucune question sur ce qui s'était passé pendant l'après-midi. Car à partir de ce moment, j'étais tout à mes autres idées, et cependant, lorsqu'il arriva enfin, la difficulté de les appliquer éclata à mes yeux devant sa ravissante petite présence, sur laquelle tout ce qui était arrivé n'avait encore, à le voir, laissé ni ombre ni tache. Afin de signaler à la domesticité la grande allure que je voulais faire régner, j'avais décrété que les repas que je prenais avec le petit seraient servis en bas, ainsi que nous disions. C'est pourquoi je m'installai pour l'attendre dans la pompe auguste de cette pièce, hors de la fenêtre de laquelle j'avais reçu de Mrs. Groves ce premier dimanche si bouleversé, un éclair qui ne pouvait qu'improprement s'appeler lumière. Ici, à présent, je sentais de nouveau, combien de fois ne l'avais-je pas senti, que mon équilibre dépendait de la victoire de mon impassible volonté, de ma volonté de fermer les yeux aussi complètement que possible à cette vérité. Le cas que j'avais à traiter était révoltant et contre nature. Je ne pouvais tenir qu'en appelant, pour ainsi dire, la nature à mon secours et en me fiant à elle, en me disant que ma monstrueuse épreuve me poussait dans une direction anormale, sans doute et déplaisante, mais qu'elle ne demandait, après tout, pour y opposer un front serein, qu'un tour de vis supplémentaire à l'humaine et quotidienne vertu. Aucune entreprise, néanmoins, n'exigeait plus de tact que celle-ci, de suppléer à soi seule toute la nature. Et comment introduire un atome seulement de cette denrée s'il fallait s'interdire toute allusion à ce qui s'était passé? Et d'un autre côté, toute allusion n'entraînerait-elle pas à se plonger de nouveau dans l'obscur et abominable abîme? Eh bien, après quelque temps, une espèce de réponse se fit entendre, et j'en trouvai la confirmation dans la perception aiguisée de ce qu'il y avait d'exceptionnel chez mon petit compagnon, et qui me frappa au point de n'en pouvoir douter lorsqu'il me rejoignit. Il semblait vraiment qu'il eût trouvé, à cette heure même, comme il l'avait si souvent fait à ses heures de travail, encore une nouvelle et délicate manière de faciliter nos rapports. Ce fait qui se manifesta dans notre solitude à deux, avec un rayonnement particulier encore jamais atteint, n'apportait-il pas la lumière? Ce fait qu'il serait absurde, puisque l'occasion, la précieuse occasion, était enfin là, de mépriser, auprès d'un enfant ainsi doué, le secours qui pouvait être arraché à sa souveraine intelligence. Pour quelle fin son intelligence lui avait-elle été donnée, sinon pour son salut? N'était-il pas licite, pour atteindre son esprit, de risquer un coup de main hardi sur son honneur? Face à face dans la salle à manger, c'était littéralement comme s'il me montrait le chemin. Le rôti de mouton était sur la table et j'avais congédié tout service. Miles, avant de s'asseoir, resta un instant debout, les mains dans les poches, regardant le rôti, à propos duquel il sembla prêt de faire quelque joyeuse plaisanterie. Mais ses paroles furent celles-ci. « Dites donc, ma chère, est-elle vraiment si malade ?»« La petite Flora ?»« Pas si malade qu'elle ne puisse bientôt se sentir beaucoup mieux. Londres la remettra. Bly ne lui convenait plus. Venez donc manger votre mouton. » Il m'obéit, alertement, posa soigneusement son assiette devant lui, et quand il fut installé, continua. « Est-ce que Bly est devenu si mauvais tout d'un coup ?»« Pas si subitement que vous pourriez croire. On voyait cela venir depuis quelque temps. » Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait partir avant? Avant quoi? Avant qu'elle ne soit devenue trop malade pour voyager. Je fus prompte à la riposte. Mais elle n'est pas trop malade pour voyager. Elle le serait seulement devenue si elle était restée ici. C'était juste le moment à saisir. Le voyage dissipera la mauvaise influence. Oh, l'aplomb ne me faisait pas défaut et emportera tout. Je vois, je vois. Pour ce qui était d'avoir de l'aplomb, Miles en possédait également. Il commença son repas avec cette exquise tenue à table qui, dès le premier jour de son arrivée, l'avait dispensé de toute admonestation vulgaire à ce sujet. Quel que fût le motif de son expulsion du collège, ce n'était pas qu'il mangeât mal. Aujourd'hui, comme toujours, il était irréprochable, mais indubitablement plus affecté. Il était clair qu'il essayait de considérer comme convenu plus de choses que ne lui était possible d'admettre son explication, et il s'enfonça dans un paisible silence tandis qu'il tâtait la situation. Le repas fut des plus courts. Pour ma part, il ne fut qu'une feinte, et je fis rapidement desservir. Tant que cela dura, Miles se tint de nouveau debout, les mains dans les poches, me tournant le dos, regardant hors de la grande fenêtre à travers laquelle ce jour fatal j'avais aperçu ce qui devait faire de moi une autre femme. Nous restâmes silencieux tant que la servante fut là, aussi silencieux, pensais-je ironiquement, qu'un jeune couple en voyage de noces qui se sent intimidé par la présence du garçon. Miles ne se retourna que quand le garçon nous eut quittés. « Eh bien, nous voilà donc seuls. »« Oh, plus ou moins. » J'imagine que mon sourire devait être plutôt pâle. « Pas absolument. » « Nous n'aimerions pas cela, » continuai-je. « Non, je ne le pense pas. Bien entendu, les autres sont là. »« Les autres sont là, oui, les autres sont là, » répondis-je, suivant sa pensée. « Mais bien qu'ils soient là, » reprit-il, toujours les mains dans les poches et plantées devant moi, « ils ne comptent pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je luttais de mon mieux, mais je me sentais épuisé. « Cela dépend de ce que vous appelez beaucoup. » « Oui. » Puis avec la plus extrême conciliation. « Tout dépend de ça. » Là-dessus, cependant, Il se retourna de nouveau vers la fenêtre et l'atteignit d'un pas indécis, nerveux et troublé. Il y resta un peu, le front appuyé à la vitre, contemplant ces imbéciles de massifs que je connaissais bien et toutes les mélancolies de novembre. J'avais toujours sous la main l'hypocrisie de mon ouvrage, sous la protection duquel je gagnais le sofa. Je m'y installai en essayant de me calmer, ainsi que j'avais fait souvent en ces moments d'angoisse que j'ai décrits, ces moments où je savais que les enfants se livraient à quelque chose d'où j'étais exclu. Et docilement, je repris mon habituelle attente du pire. Mais comme mes regards s'attachaient sur le petit garçon, obstinément appuyé à la fenêtre, une impression extraordinaire se dégagea de ce dos tourné, et ce n'était rien moins que l'impression d'avoir cessé d'être exclu. En quelques minutes, elle crut jusqu'à une intensité aiguë et qui semblait doubler, en quelque sorte, de la perception que c'était positivement lui qui l'était. L'encadrement, les carreaux de la grande fenêtre, lui étaient une espèce d'image d'une espèce d'échec. En tout cas, je le sentais arrêté devant une porte verrouillée, porte d'entrée ou porte de sortie. Il était admirable, mais pas à son aise. Je m'en aperçus avec un frisson d'espérance. Ne cherchait-il pas à travers la vitre hantée quelque chose qu'il ne réussissait pas à voir, et n'était-ce pas, en toute cette affaire, la première fois que cette vision lui manquait? Cela rendait son attitude anxieuse, bien qu'il se surveillât. Il avait été mieux toute la journée, et même à table, en dépit de ses gracieuses petites manières habituelles, il lui avait fallu tout son étrange génie enfantin pour masquer sa déconvenue. Quand enfin il se tourna vers moi, le génie semblait presque vaincu. « Eh bien, vraiment, je suis content que Bly me convienne à moi. Vous me paraissez en avoir goûté depuis 24 heures, pas plus mal que d'habitude. J'espère, continuai-je bravement, que vous y avez pris plaisir. Oh oui, j'ai été loin, loin, à des lieues et des lieues d'ici. Je n'avais jamais été si libre. » Vraiment, il avait un aplomb tout particulier, et je ne pouvais qu'essayer de me maintenir à son niveau. « Eh bien, aimez-vous cela ?» Il sourit, puis enfin, dans deux mots, « Êtes-vous ?» mit plus de profondeur que jamais je n'avais entendu mettre dans deux mots. Afin que j'eusse le temps de parer cette attaque, il continua comme s'il sentait avoir commis une impertinence qui devait être réparée. « Rien ne peut être plus aimable que votre façon de prendre les choses, car naturellement, dans notre solitude de maintenant, c'est vous qui êtes le plus solitaire. Mais j'espère, ajouta-t-il, que cela vous importe peu. » D'avoir affaire à vous ? Demandai-je. Cher enfant, comment cela m'importerait-il peu ? Bien que j'aie renoncé à exiger votre compagnie, vous me dépassez tellement, j'en jouis du moins infiniment. Pour quelle autre raison resterais-je ? Il me regarda plus directement, et l'expression de son visage devenue plus grave me frappa comme la plus belle que j'eusse encore vue. Vous ne restez que pour cela ? Certainement, je reste ici comme votre ami, et pour l'immense intérêt que je vous porte, jusqu'à ce que quelque chose puisse être fait pour vous qui en vaille davantage la peine. Il ne faut pas vous en étonner. Ma voix tremblait au point qu'il m'était impossible de le dissimuler. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit le soir de l'orage, quand je suis venu m'asseoir sur le bord de votre lit, qu'il n'y avait rien dans le monde que je ne fisse pour vous ? Oui, oui. De plus en plus nerveux, il devait maîtriser sa voix, mais plus habile que moi, il pouvait rire en dépit de sa gravité, feignant que nous ne faisions que plaisanter. Oui, seulement je croyais que vous me disiez cela pour arriver à me faire faire quelque chose pour vous. C'était en partie pour vous faire faire quelque chose, concédai-je, mais vous savez bien que vous n'en avez rien fait. Ah oui, s'écria-t-il avec une ardeur aussi vive qu'artificielle. « Vous désiriez que je vous dise quelque chose ?»« C'est bien ça. Franchement et sans baragouiner, me dire ce qui vous tourmente, vous savez. »« Ah, c'est donc pour cela que vous êtes resté. » Il parlait avec une gaieté à travers laquelle je saisissais encore une trace légère de colère et de rancune. Mais comment expliquer l'effet produit par l'implication, quelque éloignée qu'elle fût, de sa reddition ? C'était comme si ce que j'avais tant désiré me fût enfin venu que pour m'étonner. Eh bien oui, je puis l'avouer, c'était précisément pour cela. Il demeura silencieux ainsi longtemps que je supposais qu'il cherchait comment ruiner l'espérance sur laquelle je fondais ma conduite. Mais enfin, il dit simplement « Vous voudriez que je vous le dise maintenant, ici ?»« Nous ne saurions trouver mieux, ni comme heure, ni comme lieu. » Il regarda autour de lui avec malaise, et j'eus la rage, et bien curieuse, impression qu'apparaissait en lui le premier symptôme de l'approche d'une certaine crainte. Il semblait qu'il eût soudainement peur de moi, et je pensais que c'était peut-être le meilleur sentiment à lui inspirer. Pourtant, dans l'angoisse même de mon effort, ce fut en vain que je tentai d'être dure, et avec une douceur qui touchait au grotesque, je m'entendis prononcer « Vous désirez tant que cela sortir de nouveau ?» Horriblement. Et il me sourit héroïquement, son touchant courage d'enfant souligné par la subite rougeur qui révélait sa souffrance. Il avait ramassé son chapeau, qu'il avait apporté avec lui en entrant, et le tortillait d'une façon qui me remplit, au moment de toucher au port, d'une horreur perverse pour ce que je faisais. Quelque moyen que j'employasse, je commettais un acte de violence, car que faisais-je sinon pénétrer d'une idée de grossièreté et de culpabilité une petite créature sans défense qui m'avait révélé la possibilité de rapports délicieux? N'y avait-il pas de la bassesse à créer dans cet être exquis un malaise absolument étranger à sa nature? Je crois que je vois maintenant dans la situation une netteté qu'elle n'avait pas alors, car la lueur que je distingue dans nos pauvres yeux prophétisait une angoisse qui était encore à venir. Ainsi nous tournions dans un cercle, chargé de terreur et de scrupules, lutteurs qui n'osaient pas en venir aux mains. Mais c'était pour l'autre que chacun craignait. Cela nous laissait un peu plus longtemps dans l'attente et semblait sûr. « Je vous dirai tout, » dit Miles. « Je veux dire que je vous dirai tout ce que vous désirez. Vous resterez avec moi, et tout ira bien. Et je vous dirai, oui, je vous dirai tout, mais pas maintenant. » « Pourquoi pas maintenant ?» Mon insistance le détourna de moi et le ramena une fois de plus à la fenêtre. Un tel silence régnait entre nous qu'on eût entendu tomber une épingle. Puis il vint de nouveau à moi avec l'air de quelqu'un attendu au dehors par une personne avec qui il fallait compter. « Il faut que je voie Luc. » Jamais encore je ne l'avais contraint à proférer un mensonge aussi bas et je me sentis envahi d'une confusion proportionnée. Mais tout horrible qu'ils fussent, ces mensonges contribuaient à faire la vérité. Songeuse, j'achevai quelques mailles de mon tricot. « Eh bien, allez trouver Luc, et j'attendrai ce que vous me promettez. Seulement, en revanche, contentez, avant de me quitter, une requête beaucoup plus modeste. » Il me regarda comme si le sentiment d'avoir remporté un si grand succès lui permettait de marchander. « Beaucoup plus modeste ?»« Oui, à peine la fraction d'un entier. » « Dites-moi. » J'étais très calme, tout occupé de mon ouvrage, et je jetai négligemment. « Si hier après-midi, sur la table du hall, vous auriez pris, vous savez bien, ma lettre. » Chapitre 24. Ma perception de l'effet produit sur lui par cette demande subit, pendant l'espace d'une minute, ce que je ne puis décrire que comme une violente fissure de mon attention, comme un coup qui, d'abord, tandis que je me dressais toute droite, ne me permit que le mouvement naturel de le saisir, de le serrer contre moi, en cherchant au hasard un appui sur le premier meuble venu, et le maintenir instinctivement le dos tourné à la fenêtre. Inéluctable, l'apparition à laquelle j'avais déjà eu affaire se manifestait. Peter Kint était là, comme un sentinelle à la porte d'une prison. La seconde chose que je vis, c'est qu'il avait atteint la fenêtre du dehors, et puis ce fut sa face pâle de damné qui s'offrit à ma vue, collée à la vitre, et dardant sur l'intérieur de la chambre ses prunelles à garde. Dire qu'en une seconde ma décision fut prise ne fait que reproduire grossièrement ce qui se passa alors en moi. Et cependant, je crois que jamais femme aussi bouleversée ne recouvrit, en un temps aussi court, la maîtrise de ses actes. Dans l'horreur même de cette présence immédiate, il me vint à l'esprit que, voyant et affrontant ce que je voyais et affrontais, la chose à faire était d'empêcher le petit de ne rien apercevoir. L'inspiration, je ne puis lui donner un autre nom, m'insuffla une volonté transcendante et capable d'y arriver. C'était comme si je livrais à un démon un combat pour une âme, et après avoir pensé cela, Je vis l'âme humaine que je tenais au bout de mes bras tendus et tremblants, baignée de sueur sur un doux front d'enfant. La face juvénile, voisine de la mienne, était aussi pâle que la face collée à la vitre. Et puis j'entendis une petite voix, à l'intonation non pas sourde ni faible, mais comme venant de régions très lointaines, dire ces mots que je bus comme un souffle embaumé. Oui, je l'ai prise. Alors, avec un gémissement de bonheur, je l'enlaçai, je le pressai éperdument, et pendant que je le tenais sur mon sein, qui sentait battre dans la fièvre soudaine du petit corps la pulsation formidable de son petit cœur, mes yeux ne quittaient pas cette chose à la fenêtre, et la virent se mouvoir et changer de posture. Je l'ai comparée à une sentinelle, mais son lent va-et-vient rappela plutôt, pendant un instant, l'allure de la bête frustrée. Mon courage surexcité était tel que, pour ne pas me laisser entraîner, il me fallut, pour ainsi dire, voilà ma flamme. Et de nouveau le regard sinistre luisait à la fenêtre, le misérable nous fixait comme décidé à épier et à attendre. Mais maintenant, sûr de moi si j'avais à l'affronter, positivement convaincu aussi de l'inconscience de l'enfant, je poursuivis l'interrogatoire. « Pourquoi avez-vous fait cela ?»« Pour voir ce que vous disiez de moi. »« Vous avez ouvert la lettre ?»« Oui, je l'ai ouverte. » J'avais desserré mon étreinte et mes yeux considéraient le visage de Miles, où l'ironie disparue laissait voir à quel point le malaise le ravageait. C'était prodigieux de sentir, enfin grâce à ma victoire, ses sens scellés et la communication rompue. Il se sentait en une présence étrangère, mais il ignorait laquelle, et encore bien davantage que j'y étais aussi et que je le savais. D'ailleurs, qu'importait son trouble, puisque mes yeux, revenant à la fenêtre, n'y virent plus que l'air transparent, puisque grâce à mon triomphe personnel, l'influence mauvaise était vaincue. Il n'y avait plus rien. Je sentis que j'avais cause gagnée et que ma conquête serait totale. « Et vous n'avez rien trouvé ?» Je donnai libre cours à ma joie. Il fit de la tête le plus mélancolique, le plus pensif petit hochement. « Rien ?»« Rien, rien !» Je criai presque sans pouvoir réprimer mon transport. « Rien, rien » répétait-il tristement. Je baisai son front, il était ruisselant. « Et qu'en avez-vous fait ?» Je l'ai brûlé. « Brûlé ? Allons, c'était maintenant ou jamais, et c'est cela que vous avez fait au collège ?» Ah, la conséquence de ces paroles. Au collège. Y avez-vous pris des lettres ou d'autres choses? D'autres choses? Il avait l'air maintenant de penser à quelque chose de très lointain qui ne l'atteignait qu'à travers le poids de son inquiétude. Cependant, cela l'atteignit. Si j'ai volé? Je me sentis rougir jusqu'à la racine des cheveux en même temps que je me demandais quel était le plus étrange de poser une telle question à un gentleman, ou de le voir l'accueillir avec une tranquillité qui donnait la mesure de sa déchéance. Était-ce à cause de cela que vous ne pouviez pas y retourner? Tout ce qu'il éprouva fut une espèce de petite surprise pénible. Vous saviez que je ne pouvais pas y retourner? Je sais tout. Il me lança un long et étrange regard. Tout? Tout. Donc, avez-vous? Mais je ne pus répéter le mot. Miles le fit tout simplement. « Non, je n'ai pas volé. » Il put lire sur mon visage que je le croyais absolument, et cependant mes mains, mais c'était tendresse pure, le secouaient comme pour lui demander pourquoi, s'il n'y avait rien, il m'avait condamné à ces mois de torture. « Alors qu'est-ce que vous avez fait ?» Il regardait tout autour de lui, du plancher au plafond, avec une espèce de vague souffrance, puis il respira avec effort deux ou trois fois de suite. On l'aurait cru au fond de la mer, essayant de voir au travers du glauque crépuscule. « Eh bien, j'ai dit des choses. »« Et c'est tout ?»« On n'a trouvé que c'était suffisant. »« Pour vous renvoyer ?» Vraiment, jamais victime d'un renvoi ne se montra moins prodigue d'explications que cet étrange petit bonhomme. Il sembla peser ma question, mais d'une façon tout à fait détachée, comme irresponsable. « Eh bien, je suppose que je n'aurais pas dû. » « Mais à qui les avez-vous dites ?» Il essaya évidemment de se le rappeler, mais renonça. Il en avait perdu le souvenir. « Je ne sais pas. » Il alla presque jusqu'à me sourire dans la désolation du sentiment de sa défaite. À la vérité, sa défaite était maintenant si achevée que j'aurais dû laisser les choses là. Mais j'étais ivre, aveuglé par la victoire, bien que, dès alors, sa conséquence même, loin de le rapprocher de moi, ne faisait qu'accentuer notre séparation. « Était-ce à tout le monde ? » demandai-je. « Non, seulement à... » Mais il secoua la tête d'un air las. « Je ne me rappelle plus leur nom. » « Y en avait-il donc tant ?»« Non, quelques-uns seulement, ceux qui me plaisaient. » Ceux qui lui plaisaient. Il me sembla que je planais, non dans la lumière, mais dans une obscurité accrue, et tout à coup, de ma pitié même pour le pauvre petit, surgit l'affreuse inquiétude de penser qu'il était peut-être innocent. Pour le moment, l'énigme était confuse et sans fond, car s'il était innocent, grand Dieu, qu'étais-je donc, moi ? L'ombre seule d'une telle pensée paralysa et desserra mon étreinte. Je le laissai aller. Avec un profond soupir, il se détourna de moi. Il regarda la fenêtre vide, ce que je souffris sans protester, sachant bien qu'il n'y avait plus rien à craindre de ce côté. « Et ont-ils répété ce que vous leur aviez dit ? » continuai-je après un silence. Il était à une certaine distance de moi, il respirait avec effort et avait de nouveau, mais cette fois sans colère, cet air de quelqu'un qui est séquestré contre son gré. Une fois de plus, je lui avais déjà vu faire cela, il contemplait la lumière grise comme si, de tout ce qu'il avait soutenu jusqu'ici, plus rien ne restait qu'une indicible anxiété. « Oh oui !» répondit-il. « Cependant, ils ont dû le répéter, à ce qui leur plaisait, à eux » ajouta-t-il. Ceci était moins clair que je ne m'y attendais. Je réfléchis un peu. « Et ces choses parvinrent ?»« Au maître, oh oui !» répondit-il, très simplement, « mais je ne savais pas qu'ils les répéteraient. » Les maîtres, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont jamais rien dit. C'est pour cela que je vous interroge. » Il tourna vers moi son beau visage fébrile. « Oui, c'était trop vilain. »« Trop vilain ? » ?»« Ce que je suppose avoir dit quelquefois, trop vilain à faire savoir à la maison. » Je ne puis exprimer le pathétique indicible de la contradiction qu'une telle bouche donnait à de telles paroles. Tout ce que je sais, c'est que l'instant d'après, je déclarai avec une énergie familière. « Sottise que tout cela !» Mais bien vite, je repris l'accent sévère qu'il fallait pour demander. « Qu'étaient-ce donc ces choses ?» Ma sévérité allait tout entière à ses juges, ses bourreaux. Cependant, elle le porta à me repousser de nouveau. À ce mouvement d'un seul bloc, avec un cri irrépressible, je sautai sur lui. Car là-bas, encore derrière la vitre, comme pour flétrir sa confession et suspendre sa réponse, était le hideux auteur de notre misère, la face pâle du damné. Devant cette négation de ma victoire, à ce recommencement de la bataille, un étourdissement me saisit. Si bien que mon bondissement affolé me trahit complètement. Mais tandis que je me trahissais moi-même, je vis qu'il ne comprenait que par divination ce qui me troublait. Alors bien convaincu que même à cette heure, il en était réduit à deviner la scène, que la fenêtre demeurait toujours vide à ses yeux, je laissai ma secrète inspiration jaillir comme une flamme, afin d'arracher à l'apogée de son bouleversement la preuve même de sa délivrance. « Jamais plus ! Jamais plus ! Jamais plus !» criai-je à l'apparition, tandis que je m'efforçais de serrer l'enfant dans mes bras. « Est-elle là ?» Miles haletait. En dépit de ses yeux scellés, il avait compris le sens de mes paroles. Puis cet étrange pronom, elle, m'ayant bouleversé au point que, hors de moi, je le répétais en écho. « Miss Jessel ! Miss Jessel !» me cria-t-il, pris d'une soudaine fureur. Stupéfaite, je saisis tout à coup ce qu'il voulait dire. Il supposait une réédition de la conduite que nous avions tenue avec Flora. Cela ne fit qu'accroître en moi le désir de lui montrer que c'était encore bien mieux. « Ce n'est pas Miss Jessel, mais il est à la fenêtre, droit devant nous. Il est là, le lâche, l'horreur immonde, là, pour la dernière fois. » À ces mots, après une seconde d'arrêt où sa tête imita le mouvement du chien vexé qui perd la trace, toute sa petite personne fut secouée d'un spasme délirant, comme pour obtenir à tout prix de l'air et du jour. Puis, dans un accès de rage muette, il se jeta sur moi, affolé, jetant vainement de tous côtés des regards furieux, et ne trouvant nulle part, bien qu'à mon sens la chambre en fût maintenant imprégnée tout entière, comme d'une saveur empoisonnée, la grande puissance dominatrice. « C'est lui ? J'étais maintenant si déterminée à obtenir la preuve entière que je me muais en une statue de glace pour le défier. De qui voulez-vous parler? Peter Kint! Ah, démon! Son visage adressé à toute la pièce, sa supplication convulsive. Où est-il? J'entends encore résonner à mes oreilles la réédition suprême du nom fatal et l'hommage rendu à mon dévouement. Qu'est-ce que cela fait maintenant, mon trésor? Qu'est-ce que cela pourra jamais faire? Je vous ai eu, lançai-je à la bête immonde, mais lui vous a perdu à jamais. Et pour parfaire la démonstration de mon œuvre, là, là, dis-je à Miles. Déjà il avait jailli de mes bras, explorant, s'exaspérant, mais il ne voyait toujours que le jour paisible. Sous le coup de cette perte dont j'étais si fière, il poussa le hurlement d'une créature projetée au-delà d'un abîme, et l'étreinte avec laquelle je le ressaisis aurait pu vraiment arrêter une telle chute. Je le saisis, oui, je le tenais bien, on peut imaginer avec quelle passion. Mais au bout d'une minute, je commençais à m'apercevoir de ce que je tenais réellement. Nous étions seuls dans le jour paisible, et le petit cœur, enfin délivré, avait cessé de battre.